Premier livre de Samuel, chapitre 28. Or il arriva qu'en ces jours-là les Philistins assemblèrent leurs armées pour faire la guerre contre Israël, et Achish dit à David, « Sache certainement que vous viendrez avec moi au camp, toi et tes gens. » Et David répondit à Achish, « Certainement tu connaîtras ce que ton serviteur fera. » Et Achish dit à David, « C'est pour cela que je te confierai toujours la garde de ma personne. » Or Samuel était mort, et tout Israël en avait fait le deuil, et on l'avait enseveli à Rama, qui était sa ville, et Saül avait ôté du pays, ceux qui avaient l'esprit de Python, et les devins. Les Philistins donc assemblés s'en vinrent, et se campèrent à Sunem, Saül aussi assembla tout Israël, et ils se campèrent à Gilboa. Et Saül voyant le camp des Philistins eut peur, et son cœur fut fort effrayé. Et Saül consulta l'Éternel, mais l'Éternel ne lui répondit rien, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Et Saül dit à ses serviteurs, « Cherchez-moi une femme qui ait un esprit de Python, et j'irai vers elle, et je m'enquérai par son moyen de ce que je dois faire. » Ses serviteurs lui dirent, « Voilà, il y a une femme à Endor qui a un esprit de Python. » Alors Saül se déguisa, et prit d'autres habits, et s'en alla, lui et deux hommes avec lui, et ils arrivèrent de nuit chez cette femme, et Saül lui dit, « Je te prie, devine-moi par l'esprit de Python, et fais monter vers moi celui que je te dirai. » Mais la femme lui répondit, « Voici, tu sais ce que Saül a fait, et comment il a exterminé du pays, ceux qui ont l'esprit de Python, et les devins, pourquoi donc dresses-tu un piège à mon âme pour me faire mourir ?» Et Saül lui jura par l'Éternel, et lui dit, « L'Éternel est vivant, s'il t'arrive aucun mal pour ceci. » Alors la femme dit, « Qui veux-tu que je te fasse monter ?» Et il répondit, « Fais-moi monter Samuel. » Et la femme voyant Samuel s'écria à haute voix, en disant à Saül, « Pourquoi m'as-tu déçu, car tu es Saül ?» Et le roi lui répondit, « Ne crains point, mais qu'as-tu vu ?» Et la femme dit à Saül, « J'ai vu un Dieu qui montait de la terre. » Il lui dit encore, « Comment est-il fait ?» Elle répondit, « C'est un vieillard qui monte, et il est couvert d'un manteau. » Et Saül connut que c'était Samuel, et s'étant baissé le visage contre terre, il se prosterna. Et Samuel dit à Saül, « Pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter ?» Et Saül répondit, « Je suis dans une grande angoisse, car les Philistins me font la guerre, et Dieu s'est retiré de moi, et ne m'a plus répondu, ni par les prophètes, ni par des songes. C'est pourquoi je t'ai appelé, afin que tu me fasses entendre ce que j'aurai à faire. » Et Samuel dit, « Pourquoi donc me consultes-tu, puisque l'Éternel s'est retiré de toi, et qu'il est devenu ton ennemi ? » Or l'Éternel a fait selon qu'il en avait parlé par moi, car l'Éternel a déchiré le royaume d'entre tes mains, et l'a donné à ton domestique, à David. Parce que tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel, et que tu n'as point exécuté l'ardeur de sa colère contre Amalek, à cause de cela l'Éternel t'a fait ceci aujourd'hui. Et même l'Éternel livrera Israël avec toi entre les mains des Philistins, et vous serez demain avec moi, toi et tes fils, l'Éternel livrera aussi le camp d'Israël entre les mains des Philistins. » Et Saül tomba aussitôt à terre tout étendu, car il fut fort effrayé des paroles de Samuel, et même les forces lui manquèrent, parce qu'il n'avait rien mangé de tout ce jour-là, ni de toute la nuit. Alors cette femme la vint à Saül, et voyant qu'il avait été fort troublé, elle lui dit, « Voici, ta servante a obéi à ta voix, et j'ai exposé ma vie, et j'ai obéi aux paroles que tu m'as dites, maintenant, je te prie, que tu écoutes aussi ce que ta servante te dira, souffre que je mette devant toi une bouchée de pain, afin que tu manges, et que tu aies des forces pour t'en retourner par ton chemin. » Et il le refusa, et dit, « Je ne mangerai point. » Mais ses serviteurs et la femme aussi le pressèrent, qu'il acquiesça à leurs paroles, et s'étant levé de terre, il s'assit sur un lit. Or cette femme-là avait invoqué l'engraissait en sa maison, et elle se hâta de le tuer, puis elle prit de la farine, et la pétrit, et en cuisit des pains sans levain. Ce qu'elle mit devant Saül, et devant ses serviteurs, et ils mangèrent, puis s'étant levé, ils s'en allèrent cette nuit-là.